explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Croyez-vous que je peux regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Dans le ciel, au-dessus de nos têtes, passent parfois de drôles d'oiseaux. Les martinets noirs, par exemple, peuvent s'endormir en plein vol. Les sternes antarctiques, petits oiseaux de 100 grammes, sont capables de parcourir près de 100 000 km en moins de 10 mois. Et les mésanges charbonnières, quant à elles, se transmettent de génération en génération des pratiques qui s'apparentent à une forme de culture. Ces volatiles et bien d'autres suscitent de la curiosité, mais aussi depuis quelques années, de l'inquiétude. Le constat dressé par des études récente est alarmant. En France, les populations d'oiseaux vivant en milieu agricole ont perdu un tiers de leurs effectifs en une quinzaine d'années. Aujourd'hui, pour ne pas laisser ce monde des oiseaux fascinant et encore mal connu s'envoler définitivement, sans réagir, nous vous proposons de partir les observer avec un ornithologue persuadé que pour avoir envie de protéger tous ces oiseaux, il faut d'abord les connaître. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous ? Je suis un moineau, elle c'est une colombe. Non, j'ai dit. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous ? Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Grégoire Loïs. Bonjour. Vous êtes ornithologue, directeur adjoint du programme de sciences participatives Viginature au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous venez de publier « Ce que les oiseaux ont à nous dire » aux éditions Fayard. Vous allez partager avec nous votre passion pour ces volatiles que vous observez depuis votre plus tendre enfance et vous nous parlerez aussi des résultats alarmants des dernières études de terrain sur les populations d'oiseaux de nos campagnes. Pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, suite du récit de l'expédition de La Pérouse, après avoir retracé les 3 ans de voyage mercredi dernier, nous découvrirons aujourd'hui ce qui est arrivé aux survivants du naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. Bah là, avant, on avait une friche bien plus grande, hein, qui prenait beaucoup plus d'espace, moins de culture. Et dans cette friche, des arbustes, c'était beaucoup plus buissonnant. Du coup, on avait le tarier des prés. On avait le bruant proyé. C'est donc un petit passereau qui niche au sol, qui se nourrit d'insectes. Après, là, dans l'axe, on avait des haies encore, le long de la culture. Là, on pouvait avoir de la pigrièche écorcheur. Et la fauvette grisette. Et puis enfin, dans cette zone de colza avec une petite prairie, là, c'était très commun, la caille des blés. Et puis beaucoup de grillons aussi, les champs des grillons, ça prenait tout l'espace. L'audio-naturaliste Boris Jolivet reconstituant un paysage sonore disparu grâce aux enregistrements qu'il a réalisés il y a quelques années. Depuis, les oiseaux se sont tus. Grégoire Loïs, vous êtes un ornithologue passionné, vous êtes aussi un ornithologue inquiet devant ces paysages qui deviennent silencieux. Oui, effectivement, on a comme ça une désertification sonore un petit peu de nos paysages ruraux. Ça, c'est une découverte pas spécialement récente, mais qui s'accentue ces dernières années. Oui, c'est-à-dire, alors c'est un constat, et surtout c'est un constat maintenant qu'on arrive à quantifier. Ouais. C'est ça la grosse avancée. Ouais. Alors on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail dans la suite de cette émission. Mais partant du principe qu'on ne protège que ce que l'on connaît et que ce que l'on aime, vous avez envie avant tout avec votre ouvrage, Ce que les oiseaux ont à nous dire, de nous émerveiller, de nous montrer ce monde que l'on connaît encore peu, mais qui est absolument fascinant, ce monde des oiseaux. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'étonner, s'émerveiller. On peut prendre des exemples. Je citais cette mésange charbonnière, c'est le premier paragraphe de votre livre, avant toute introduction, vous nous dites une expérience grandeur nature a été réalisée et on s'est aperçu de quelque chose d'assez extraordinaire. On s'est aperçu en fait qu'il y avait une transmission du savoir de génération en génération. Ouais. Un savoir complètement artificiel, hein, puisque en fait c'était des expériences avec des petits tiroirs bleus, des petits tiroirs rouges et puis une récompense, etc. Mais sur le terrain, en nature, et en fait il y avait des transmissions de génération en génération sur quel tiroir il faut tirer. Donc quelque chose d'assez Enfin, on n'imaginait pas quelque chose de tel chez les animaux. Ouais. C'est-à-dire une couleur, presque un peu arbitraire de la mangeoire dans laquelle il faut aller. De génération en génération, les petites mésanges font la même chose sans plus savoir pourquoi, mais comme une tradition, comme une culture que l'on s'est transmise. Exactement, avec plusieurs suites d'études. Et dans certains sites, c'était le tiroir rouge, dans d'autres le bleu était parfois à gauche, le bleu était parfois à droite, etc. Donc on a bien pu vérifier que c'était bien une transmission, un héritage culturel. Alors il y a vraiment de quoi s'étonner quand on prend le temps de regarder ces oiseaux de près, hein, comme vous le faites. Alors je crois que parmi ceux qui vous intéressent tout particulièrement, il y a le martinet noir. Alors c'est surtout une fascination en fait, c'est un émerveillement le martinet noir. Ouais. Il vient d'ailleurs clairement. On est avec un alien sur la planète Terre. C'est un oiseau. C'est de lui dont on parle sur les oiseaux qui peuvent pas se poser, qui peuvent pas redécoller quand ils sont posés au sol. Ouais. C'est un oiseau qui vit plusieurs dizaines d'années, ce que ne laisse pas penser sa taille parce que souvent les petits oiseaux ils ont un métabolisme assez élevé, les petits passereaux, et puis ils vivent quelques années. Lui il vit plusieurs dizaines d'années. Il fait plusieurs fois la distance Terre-Lune dans sa vie, parce qu'en fait, le seul moment où il va se poser, et il se pose dans une cavité à flanc de falaise ou de bâtiment, il est commun dans les villes, hein. Les bâtiments, ça ressemble à des falaises, c'est pour pondre son œuf et élever son jeune. Et ça, c'est même pas chaque année, et c'est seulement au bout de quelques années, il est mature sexuellement au bout de quelques années, mais sinon, le reste du temps, tout se passe en vol. Alors, il dort en vol, il s'accouple en vol. Donc on peut voir les accouplements en mai-juin là. Et s'il fait ça, c'est parce que il a beaucoup de mal à décoller en fait une fois qu'il est posé. Il a de grandes ailes, il est maladroit au sol. C'est ça, effectivement. Il a vraiment. Alors la partie osseuse de l'aile, c'est quasiment un moignon, c'est assez ridicule. Et par contre, il a des grandes plumes assez rigides qui lui font des ailes comme des lames de faux, assez rigides. Et finalement, l'évolution a conduit à ce qu'il soit extrêmement performant pour chasser en vol du plancton aérien. Mmh. Et pour qu'il ait finalement se poser, ça devienne quelque chose de presque anecdotique. Mais comment est-ce possible pour lui de dormir en vol? Il y a une sorte de pilote automatique. Comment il s'en sort? Exactement, il y a une forme de pilote automatique. Il semblerait qu'il fait dormir son cerveau par partie. Ouais. Donc en fait, il garde des parties de son cerveau en veille, de manière à avoir ce pilote automatique. Tout ça se passe à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Ouais. Alors vous êtes aussi intrigué et amusé par l'avocette élégante, qui porte bien son nom, si j'ai bien compris, élégante. Oui, c'est la classe absolue, l'avocette élégante. Ça déambule comme ça, c'est gracieux. C'est ce que je raconte dans le livre, c'est que il me semble que avocette élégante, c'est assez typique de la langue française et de quelle manière la langue française, elle donne un genre. Au nom, alors qu'il y a plein de langues où il y a le neutre hein, pour les animaux, comme l'anglais par exemple. Et l'avocette élégante, c'est exactement ça. On se dit, bon bah là, on voit que c'est un mâle, il vient de s'accoupler, on sait qu'il était... On a du mal à se dire que c'est un mâle quand même, tant c'est gracieux, etc. Alors là, vous dites gracieux, mais dans votre livre, vous dites qu'elle est maniérée. Hein, finalement, on a l'impression qu'elle a du mal à mettre ses pattes dans l'eau, elle fait tout avec une extrême délicatesse. Ouais, donc c'est un petit peu stéréotypé, hein, c'est une vision de la féminité qui est un petit peu... En poulet, on va dire, voilà, quelque chose de... Ouais. Mais du coup, ça lui donne une démarche très singulière et qui vous plaît beaucoup. Vous avez passé des heures à l'observer aussi, s'occuper de ses petits... Ouais, j'ai eu la chance, adolescent, d'aller faire un séjour d'immersion linguistique en Angleterre, dans une réserve où il y avait une colonie d'avocettes, ce qui était rare en Angleterre à l'époque. Mmh. Ouais, alors c'est vraiment une passion qui vous a pris tout petit. Hein. Dès votre plus jeune âge, vous les avez observés, ces oiseaux, vous ne les avez plus lâchés. Vous parlez dans votre livre d'un vieux télescope, vous observiez les oiseaux au télescope. Ça marche bien, ça? Ah ben ça marche très bien. Alors c'est une lunette terrestre, un télescope terrestre, donc c'est fait pour. Et effectivement, c'est un appareil qui m'a accompagné, mais strictement partout, même dans des endroits où finalement il était inutilisable. Ouais. Donc ça, c'est, voilà. Les oiseaux ont aussi des capacités physiologiques qui retiennent votre attention, des capacités uniques dans le règne animal, notamment concernant leur système respiratoire. Vous êtes très admiratif du système respiratoire des oiseaux. Effectivement, en physiologie animale, l'ensemble des personnes qui se sont penchées là-dessus sont assez admiratives. Il semble que ce soit directement hérité des théropodes, donc de ces dinosaures qui sont de la famille du vélociraptor, du tyrannosaure, hein, ces dinosaures bipèdes, la prédateur, qui chassaient à la course. Et en fait, les oiseaux, ils ont une cage thoracique visible, donc ça, on peut le voir pour les gens qui mangent du poulet, quand on mange un poulet, hein, c'est pas articulé, c'est pas ouvert au milieu, et heureusement que c'est pas ouvert, parce qu'en fait, il y a des énormes muscles pour le vol qui s'attachent sur cette cage thoracique. Donc il faudrait adopter des solutions incroyables. Et la performance du système respiratoire, elle est due au fait qu'en fait, il y a une circulation d'air en continu. Et ça, c'est vraiment... C'est... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inspiration, pas d'expiration? C'est un cycle? Si, bien sûr, il y a inspiration, expiration. Il y a une seule porte d'entrée, donc il y a inspiration et expiration. Mais en fait, de part et d'autre, de poumons qui sont rigides dans cette cage thoracique rigide, de poumons qui sont constitués de minuscules tubes parallèles, il y a des sacs aériens qui pompent en décalé, qui assurent une circulation permanente. Ah oui, incroyable. Et puis, il y a cette capacité qu'ont certains oiseaux à voyager, à migrer et à pouvoir parcourir des distances phénoménales pour certains d'entre eux. Pour observer ces oiseaux migrateurs en transit, un des meilleurs spots d'observation en France, c'est la baie de Somme. On entend les oies cendrées, là, les couples d'oies cendrées qui discutent entre elles. Défense de territoire entre les couples, moi j'appelle ça aussi des messes basses. Ah, il y a un petit cri d'alerte de poule d'eau là, un petit cri à la fois d'alerte et de contact, de méfiance entre les couples. Et il y a une cigogne qui vient de se poser sur le nid là, ça c'est sympa. Les cigognes sont en train de couver et elles reviennent d'Afrique, hein. Elles reviennent du sud de l'Espagne, du Portugal, puis surtout d'Afrique de l'Ouest, hein, du Mali, du Niger, de Mauritanie. Et ils commencent là depuis une petite quinzaine de jours leur couvaison. Hein. Donc il y a un des adultes qui est sur le nid couché, on a l'impression que c'est un poussin, mais c'est la tête qui dépasse, c'est un adulte qui couvre. Et le deuxième adulte qui est à côté, qui surveille le nid. Il y a un cri de décollage d'oies cendrées là. Ouais. Les deux oies qui sont là-bas à gauche, ils lancent le cri de décollage pour le mâle. La femelle va répondre, on va attendre. Alors il faut que la femelle réponde, si la femelle ne répond pas, le couple ne va pas décoller, hein. Les couples sont formés pour la vie. Donc ils lancent d'abord un cri de décollage. Et voilà, ça y est, ça décolle. Madame a été d'accord, donc les deux décollent. Ça, c'est sympa. L'ornithologue Philippe Carruette dans la baie de Somme, dans l'émission Sur les docks de France Culture en 2012. Et vous me disiez, Grégoire Louise, oui, je le connais bien, on a bagué ensemble. Ça crée des liens donc mettre des petites bagues sur ces oiseaux pour suivre justement leur migration. Oui, c'est souvent des moments assez intenses. Là, c'était dans l'estuaire de la Gironde, il y a une vingtaine d'années. Enfin, il y a précisément 20 ans d'ailleurs. Et en fait, on commence très très tôt le matin, on finit très très tard le soir, on est dans les marais toute la journée, ouais, ça crée des liens. Ouais. Alors pourquoi beaucoup de ces oiseaux migrateurs font escale précisément en baie de Somme, comme on l'entendait là à l'instant? Alors c'est dû à une conformation du continent européen qui fait que la plupart des oiseaux, le gros des terres, quand on est en France, le gros des terres émergé, il est à l'est, au nord-est. Mm-hmm. Donc on a tous ces oiseaux qui nichent au nord-est jusqu'au fin fond de la Sibérie et qui vont migrer en Afrique. Alors il y en a une grosse partie qui passe par la Turquie, par l'Iran, par Eilat par exemple, qui est un gros spot de migration aussi. Et il y en a toute une partie qui vient par l'ouest de l'Europe pour passer par Gibraltar. Alors il y a aussi la péninsule italienne, les îles de Méditerranée, le Cap-Bon en Tunisie. Mais il y a Gibraltar et tous ces oiseaux, en fait, ils arrivent en butée contre l'Atlantique. Ils rechignent un peu à survoler les étendues marines. Il y a moins de courants ascensionnels chauds. Et ils arrivent en butée et il se trouve que les estuaires, comme la baie de Somme et comme l'estuaire de la Gironde, où je vous disais qu'on avait bagué, c'est extrêmement productif en matière organique. Et du coup, il y a une masse qui permet de se sustenter, de se retaper en halte migratoire. Donc non seulement il y a un afflux très fort sur tout l'ouest de la France, mais en plus il y a ces spots où les oiseaux peuvent se retaper, se requinquer et se réengraisser. Alors parmi les recordman de la migration, il y a la sterne antarctique. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire antarctique ou arctique. Parce que pendant longtemps, les chercheurs ont observé ces sternes, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. À une telle distance, il était impensable pour eux qu'il s'agisse d'une seule et même espèce. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est la première fois que j'entends sterne antarctique, mais finalement, on pourrait presque effectivement la qualifier, elle est aussi bien arctique qu'antarctique, sauf qu'en fait, c'est sur le pourtour arctique qu'elle niche. Par contre, c'est sur le pourtour antarctique qu'elle passe l'hiver. Ouais. Son hivernage. Mais là, on parle d'un oiseau qui fait une centaine de grammes. Hein. Et ça veut dire que cet oiseau... Alors, les chercheurs n'en sont pas revenus. Justement, grâce à un suivi précis, le bagage, et puis aussi parfois des petits émetteurs, ils ont pu suivre... Alors, la sterne qui a fait le plus long parcours, c'est incroyable, en 10 mois. Ouais, 96 000 kilomètres. 96 000 kilomètres pour ce petit oiseau de 100 kilomètres. Mais pourquoi parcourt-elle autant de distance? Alors, il se trouve que pendant notre hiver boréal, c'est l'été austral, et les eaux qui sont sur le pourtour du continent antarctique sont extrêmement riches riche en krill. Et en fait, donc il y a aussi beaucoup de poissons et de mammifères marins qui font cette migration pour aller se nourrir dans ces eaux. Pour la sterne arctique, finalement, c'est effectivement un oiseau très léger. Elle fait partie. Les sternes, c'est ce qu'on appelle aussi les hirondelles de mer. Hein, donc c'est suspendu. Hein, ça a l'air facile. Ça a l'air facile de voler. Quoi. C'est pas pénible comme quand on voit un héron voler comme ça. On se dit, ça a pas l'air. Hein. Vous arrivez à entrer en empathie comme ça avec les oiseaux. Bah, c'est de l'anthropomorphisme de base, quoi. Et cette sterne arctique, en fait, elle descend effectivement. Alors, les populations qui nichent dans l'Atlantique Nord, elles descendent par l'Atlantique et elles font un tour de continent antarctique. Ouais. Alors, il y a certains de ces oiseaux qui, parfois, s'en vont. Alors, c'est encore une sterne, mais une autre espèce qui vit au Pérou, la sterne Inca. Elle ne migre pas, elle est assez sédentaire, mais lorsque vient le phénomène climatique El Niño, elle s'en va, mais on ne sait pas où. Exactement. C'est en fait, les populations sont côtières. Hein, c'est vraiment une sterne côtière. C'est une des rares sternes qui est strictement côtière, pas migratrice, qu'on voit toute l'année. Je l'ai découvert pour la première fois au printemps. Et en fait, effectivement, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que El Niño, qui est un phénomène avec une périodicité un petit peu aléatoire, mais compris entre 5 et 10 ans, grosso modo, quoi. Et ben, tout d'un coup, les sternes Inca sont plus là, et en fait, on n'a aucune idée d'où elles sont. Donc, il reste beaucoup de mystères. Ouais. L'ornithologue Grégoire Loïs nous emmène à tire-d'aile à la découverte des oiseaux. Nous allons nous intéresser à leur chant, plus particulièrement, dans un instant, pour adresser une question à notre invité. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Dieu, que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Le courage des oiseaux, c'était Dominica, le temps d'un bivouac. Ah, on entend bien un peu de mauvais dans ça. Super. Ça, c'est un... Oh, il est là. Et en plus, il est là. Donc là, on est à 7 grammes, 8 grammes. Puis la bouscarde qui chante derrière nous, en plus. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un des oiseaux les plus faciles à reconnaître au niveau chant. C'est deux notes. Voilà. Autrefois, dans les campagnes, on l'appelait le compteur d'écus. Parce qu'on avait l'impression qu'il compte des pièces, des écus d'or. Hein, tip-tiap, tip-tiap, tip-tiap. Et c'est un oiseau qui est facile à reconnaître. Quand on commence, souvent le chant des oiseaux est très difficile pour les néophytes, les visiteurs. Ils ont du mal à reconnaître les chants parce qu'ils ont plein de chants, ils entendent plein de chants dans la nature, ils ne les différencient pas. Alors qu'il faut commencer par les chants les plus simples, comme le coucou, le pouillot véloce. Puis en plus, comme les oiseaux sont migrateurs, en hiver ils sont partis, vous n'entendez plus leurs chants. Mais l'oiseau fait pareil, hein, quand il revient de migration, il retrouve son chant. Et il commence à chanter mal. Il fait un peu des fausses notes, puis après, petit à petit, son chant devient plus juste. Et nous, notre oreille s'habitue de nouveau au chant que l'on entend. À nouveau, l'ornithologue Philippe Caruette en baie de Somme. On s'entraîne à reconnaître le chant des oiseaux. On commence par le plus facile avec ce pouillot véloce. Grégoire Loïs, auteur du livre « Ce que les oiseaux ont à nous dire » aux éditions Fayard. Il ressemble à quoi ce pouillot véloce? Ah, c'est assez anodin. Hein. C'est verdâtre. Il est petit. Il a les pattes un peu sombres. Un bec fin d'insectivore. C'est plus petit qu'un rouge-gorge. Hein. C'est vraiment très menu. À propos de son chant qui est facile à reconnaître, en fait, les Anglais ou les Allemands, ils se sont pas embarrassés de chercher un nom comme ça. C'est Chif-Chaf en anglais, Slip-Zap en allemand. Donc, comme ça, ouais. Hop, c'est simple. Ah oui, nous, on fait un peu dans la préciosité avec ouais. Le pouillot véloce. Voilà. Surtout que tous les pouillots sont véloces, si j'ai bien compris. Oui, probablement. C'est quand même des petits insectivores assez vifs. Ils sont probablement ils tous sont véloces. Tous véloces. Donc, c'est un qualificatif un peu de trop. Qu'est-ce qu'ils se disent? Alors là, le chant est très simple. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose à raconter, le pouillot véloce? Alors, en fait, quelle que soit la complexité du chant, c'est toujours un petit peu la même chose qui est racontée. Hein. C'est toujours quelque chose qui est en général raconté par les mâles, qui dit deux choses. Il dit aux femelles, vous êtes les bienvenus pour fonder une famille, élever des jeunes, partager les gènes, les transmettre. Hein. Et puis, il dit aux autres mâles, vous n'êtes vraiment pas les bienvenus et ça peut être terrible s'il y a confrontation. C'est avant tout de la séduction et du marquage de territoire. Alors voilà, de la mise en garde et de la séduction. De la mise en garde et de la séduction. Alors après, prenons quelques exemples de chants qui sont alors de moins en moins fréquents, malheureusement, on va le voir dans cette émission, mais qui sont encore entendables dans nos campagnes et parfois dans nos villes aussi d'ailleurs. Alors allez-y, donnez-nous des exemples de ces oiseaux qu'on entend assez facilement. Alors il y a des oiseaux qui restent extrêmement communs, avec un chant, par exemple il y a le pinson des Arbres, qui est un des oiseaux vraiment les plus abondants de France, avec un chant assez stéréotypé, qui varie quand même de région en région en France. Mm-hmm. Donc il y a cette partie du chant qui est très stéréotypée, qui a l'air d'être propre à l'espèce, et puis il y a l'effet transmission qui fait qu'il y a presque des accents régionaux. Mm-hmm. Et donc on a une petite phrase qui est assez courte, hein, qui commence un peu toujours pareil et qui finit par un crescendo accélérant, par un espèce de trille. Ouais. Je sens que vous êtes à deux doigts de nous le faire, mais que votre timidité vous retient. Ouais, non, mais c'est vraiment pas très très facile, mais on pourrait imaginer quelque chose comme Ouais. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas un pinson qui se reconnaîtra là-dedans. Alors on va en prendre un autre. Prenons un rossignol par exemple. Alors notre rossignol se met à chanter. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ça? Vous reconnaissez tout de suite le... Ouais. Alors surtout que les premières notes, la tirée sifflante, c'est complètement typique du rossignol. Ce qu'il a fait là, ti ti ti ti, et après il démarre, c'est assez typique. Là, la prise de son, elle est extrêmement belle, extrêmement léchée, on n'entend rien d'autre. Ce qui fait que ça donne, on a l'impression d'être, dans la campagne éloignée, en Île-de-France, au bord d'une Solaie, par exemple, en bordure de forêt avec un petit ruisseau, et en pleine nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui chante là. Je suis assez admiratif de la qualité de la prise de son, parce qu'effectivement, on n'entend rien d'autre. Ouais. Alors que le chant chez les oiseaux, c'est tout. Enfin, comme on est en milieu tempéré et que la fenêtre de tir pour pouvoir élever des jeunes et les nourrir, c'est au moment de la profusion de nourriture, c'est-à-dire, voilà, ça c'est typique du rossignol, c'est au printemps, et bien en fait, tout le monde chante en même temps. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans les forêts tropicales, en fait. Mais du coup, là, avoir une prise de son comme ça, elle est assez belle. Il n'est pas toujours aussi beau, le chant du rossignol. Parfois, il a un peu des bruits de on dirait des sonorisations de jeux vidéo des années 80. Un truc un peu pas très... Vous disiez, dans les forêts tropicales, tous les oiseaux ne chantent pas en même temps, contrairement à nos contrées à nous. Pourquoi ? Ça se passe comment ? C'est chacun son tour ? Parce qu'en fait, la disponibilité en nourriture, elle est continue sur les 12 mois. Ouais. Et du coup, les nidifications, l'élevage des jeunes, la nidification et donc la défense du territoire, la recherche de partenaires, en fait, ça se fait en continu au cours des 12 mois. Ouais. Donc, on n'a pas cette espèce, le concert matinal qu'on a au printemps, dans les milieux tempérés, qui fait qu'en fait, quand on fait, par exemple, des points d'écoute, eh ben, on évite la demi-heure qu'il y a de part et d'autre du lever du soleil, parce qu'en fait, c'est le chaos. Mmh. Tout le monde chante à fond. Ouais. Du coup, c'est presque désagréable, c'est presque... C'est pas du tout désagréable, mais par contre, pour faire le tri, oui, c'est un peu l'enfer. Mais c'est pas désagréable, non, c'est quelque chose d'assez... Au contraire, c'est assez spectaculaire. Alors, il y a des paysages sonores qui se sont déplacés, qui ont évolué au fur et à mesure des époques. Par exemple, le merle, il y a pas si longtemps que ça, 200 ans en arrière, on l'entendait surtout dans les forêts, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, le chant du merle, où est-ce qu'on peut l'entendre ? Alors, typiquement, c'est le chant des villes, la nuit. C'est beau, une ville la nuit, bah, une ville la nuit, c'est accompagné de ça. Ouais. Et ça, c'est accompagné... le chant du merle, là, qu'on entend. Là. Ouais, qui est incroyable. Ces silences là qui laissent, je sais pas, un peu de mystère. Et ce chant en ville, c'est 9 mois sur 12. Mmh. La nuit, au moment où il y a pas de bruit dans la ville, c'est-à-dire au moment où son chant va pouvoir porter, c'est là qu'il occupe l'espace. Alors, il y a effectivement à tendre l'oreille en ville. Alors, il y a un son que vous nous avez gentiment offert. Il a été réalisé par Fernand Deroussen, qui est un compositeur audio-naturaliste. C'est une prise de son qu'il a fait dans les jardins de Notre-Dame. Donc, on est au cœur de Paris. Je vous laisse le soin de décrypter cette ambiance sonore où vraiment beaucoup d'oiseaux vont se succéder en un temps assez court. Voilà, ça commence typiquement avec le merle. Derrière, la fauvette à tête noire. On a commencé tout de suite avec le merle et puis la fauvette à tête noire. Et c'est sur le parvis de Notre-Dame en 2016, au printemps. Le pigeon ramier. Il est très très tôt. Il est probablement 6h du matin. Donc c'est un son que j'ai trouvé sur le site de Fernand Deroussen sur Internet. Et effectivement, il décrit 6h du matin. Probablement au mois de mai. Le troglodyte. Alors comme ça, ça a l'air sympa, c'est un tout petit oiseau, hein. C'est comme le pouilleux véloce, quelques grammes. Quand il chante et qu'on est à 2 mètres, ça fait mal aux oreilles en fait. Fauvette à tête noire. Encore le troglodyte. Très puissant, très cristallin. On a l'impression que les oiseaux se portent bien en ville, en entendant ce son à 6h du matin. On a l'impression finalement qu'ils sont nombreux, une biodiversité. En fait, c'est effectivement, ça a à voir aussi avec ce que je disais sur la temporalité de la saison des chants, qui fait que tout est très concentré. On a du mal à voir un déclin. Si on va en forêt ou si on va en plaine agricole, on va avoir comme ça l'espace sonore qui est occupé. Mmh. Ce qui varie en fait, c'est la quantité de chanteurs. Mmh. Donc effectivement, en ville, il y a tout un tas de cortèges d'espèces qui sont soit spécialistes des milieux urbains, donc qui sont plutôt descendus des montagnes ou venus des falaises comme le martinet noir ou le rouge queue noire qu'on n'a pas entendu là. Enfin, j'ai pas cru l'entendre, mais c'est des oiseaux qui sont très communs en ville. Et puis après, on a des espèces très généralistes comme le troglodyte, la fauvette à tête noire. On n'a pas eu de mésange là, mais il y en a probablement eu. Et qui restent assez abondantes en ville. Et puis le cas du merle noir qui atteint des densités en ville qui sont supérieures à ce qu'il peut avoir à la campagne. Et ça reste un petit peu la magie du merle noir puisqu'il y a 200 ans, il était limité aux forêts profondes. Ouais. Alors comment ça s'explique, cette migration du merle des forêts aux campagnes et aux villes? Pourquoi a-t-il étendu à ce point son territoire? Alors, il y a un trait chez les oiseaux d'une manière générale, c'est qu'ils sont assez plastiques et ils ont des capacités d'adaptation qui sont assez élevées, probablement dues au fait qu'ils peuvent se déplacer très facilement et donc occuper des nouveaux territoires. Mais là, j'avoue que pour le merle noir, je pense que ça reste un mystère parce que ça a été signalé donc par des ornithologues anglais dès le tout début du 19e siècle, la fin du 18e même. Et ça s'est fait en un siècle, en fait, finalement. Alors, on l'a vu, hein, on a vu vos capacités à reconnaître ces oiseaux très rapidement, saisir toute la nuance de ces différents chants. C'est devenu un peu une seconde nature, un réflexe. Il paraît que même quand vous regardez un film de fiction, même si ce n'est pas du tout au cœur de l'action de faire attention aux oiseaux, vous ne pouvez pas vous empêcher de les identifier et de noter parfois quelques contradictions scénaristiques. Alors, c'est vraiment une pratique qui habite tous les gens qui sont passionnés d'oiseaux. Et c'est pas seulement quand on regarde un film, c'est quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que je me rappelle une scène où on est en, en travaux dirigés à la fac à Jussieu. C'est en plein hiver, il a fait nuit très tôt, il fait nuit, il doit être 19h, quelque chose comme ça. Et il y a quand même une des grandes fenêtres là, basculante, qui est un peu entrouverte, et on entend des oies passer. Et comme on est en biologie, on est quelques ornithos, et du coup tout s'arrête, quoi. Parce qu'on entend des oies migrer de nuit au-dessus de Paris, et ça c'était... Et du coup c'est un peu une oreille qui est en veille tout le temps. Ouais. Alors là, c'était dans la vraie vie, hein, quand vous étiez dans votre salle de classe, dans votre faculté. Mais si vous regardez par exemple le film Le Silence des Agneaux, alors que c'est une scène de début un peu angoissante, vous allez faire attention aux oiseaux qui chantent au fond. Oui, c'est ça. Enfin, quand on les reconnaît comme ça, on se dit tiens, c'est frappant. Là, en l'occurrence, le Silence des Agneaux, ça se passe dans le nord-est des États-Unis. Enfin, la scène introductive à Quantico, là, au siège du FBI, je crois, et c'est dans le nord-est des États-Unis. C'est l'automne et on entend deux cris de Busaque Rousse. Ces longs cris rauques tirés qui font vraiment western. Et qui n'est pas présente dans ce coin-là, donc on dit tiens c'est marrant. D'accord, oui, ça vous voyez des sortes pas d'anachronismes, en tout cas d'erreurs de scénario avec on met en des tous les cas on dit tiens le preneur de son, enfin l'ingé son s'est fait plaisir, il a créé une ambiance mais sans tenir compte des. Mais ça, on peut créer une ambiance avec des chants d'oiseaux. La Busaque Rousse c'est vraiment c'est vraiment le cri qui est un peu rauque et long, qui est tiré et qui fait vraiment ambiance western, et la tension. Hitchcock l'avait bien compris hein, dans son... Alors je sais pas si vous allez réussir à tout reconnaître, mais dans son film, Hitchcock s'est amusé à mettre comme ça un mélange de cris d'oiseaux pour nous inquiéter. On l'entend derrière nous là. C'était en 63. Il a même mis des canards. Il y a eu des canards, il y a des goélands. Ça c'est des limicoles, donc des petits échassiers de bord de mer. Là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Il y a eu le canard calvaire, il y a eu aussi des corvidés. Quelque chose de très grinçant. Ça, c'est un cri qui pourrait être le cri d'un jeune rapace, par exemple, d'un jeune épervier de colère. À nous, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chants d'oiseaux? Vous nous avez dit hein, ce qu'ils communiquent entre eux, des marquages de territoire, des séductions, des cris d'alarme, les oisillons qui réclament aussi la nourriture à leur mère. Mais à nous, humains, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chants d'oiseaux? Eh bien, c'est ce que j'essaie d'interroger dans ce bouquin, c'est de savoir est-ce qu'on ne devrait pas, nous, essayer d'interpréter ça en se disant, finalement, c'est l'altérité du vivant. Ils nous rappellent tout le temps. Comme ça, la présence du vivant sur cette planète et le fait que le vivant, on n'est pas central, on n'occupe pas une position centrale, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et ça, ils nous le disent de manière permanente, d'abord parce qu'ils chantent, ils se manifestent, alors que les mammifères, c'est quand même un peu plus tendu. Et puis surtout, comme ils ont cette capacité de nous échapper par le vol, ils sont visibles tout le temps, partout. Et donc, ils sont proches, quelque part. On peut montrer des oiseaux à un enfant de 3 ans, aller montrer un renard à un enfant de 3 ans, faut faire un affût, se lever très tôt, espérer que l'enfant va pouvoir le détecter à 100 mètres, etc. Mmh. On peut l'amener comme ça, nourrir des pigeons et lui montrer qu'il y a des espèces sauvages qui ne dépendent pas de nous et qui habitent aussi sur cette planète. Nous allons nous intéresser dans la suite de cette émission au déclin observé des populations d'oiseaux en France. Quelles sont les espèces les plus touchées? Quelles sont les causes de cet effondrement? Vous allez nous le dire, Grégoire Loïs, dans un instant. Me. say I am, maybe you'll say no. Could there be two of us? Could there be two of us? I know you look at yourself like me, with the same eyes we both see, through to the end. C'était Father Zone Céleste sur France Inter. Donc là, on commence à écouter. Et on est sur un endroit qui est pratiquement un désert ornithologique. Il n'y a pratiquement plus rien ici. On entend un bruant qui est à ma droite, qui est au bout de la haie. Donc on retrouve sur la carte. Bruant proyé, c'est une des espèces classiques en plaine céréalière. Et puis au loin, on a une alouette, mais elle est en dehors du point d'écoute puisqu'elle est au-delà de 200 mètres. Donc elle ne sera pas notée. On va écouter. Et puis pour l'instant, c'est tout. En moyenne, sur l'ensemble de nos points d'écoute, on a perdu un peu plus du tiers des individus dénombrés, ce qui est considérable. Toute espèce cumulée, on a perdu un peu plus du tiers. Par exemple, l'alouette des champs a perdu un tiers de ses effectifs. Donc l'alouette des champs, c'est le petit passereau qu'on a partout dans les champs. Il y a deux espèces de perdrix, elles ont perdu pour l'une 80% des effectifs, l'autre 90%. Donc c'est colossal, hein. Vincent Bretagnol, chercheur au Centre biologique d'études de Chizé, l'un des co-auteurs de l'étude sur l'effondrement de populations d'oiseaux, qui a beaucoup fait de bruit en mars 2018 quand elle est sortie. Ça, c'était l'étude du CNRS. Il y en a une autre, à peu près au même moment, qui est sortie, celle du muséum à laquelle vous avez contribué, Grégoire Loïs. Et ces deux études allaient dans le même sens, celle d'un effondrement. Véritablement, on n'est pas sur une baisse, c'est un effondrement. Un tiers des populations d'oiseaux en France qui disparaissait, ça paraît énorme. Des milieux agricoles, effectivement. En 15 ans. Ouais, tout à fait. Ça vous a surpris ce résultat ? Ça nous a surpris et choqué. C'était à l'occasion d'une soutenance de thèse au muséum à laquelle Vincent Bretagnol était jury. Il y a eu discussion après la soutenance, il y a eu des discussions, il y a un pot, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes constats. Et en fait, le fait qu'il y ait ces constats à l'échelle nationale, du côté du muséum et sur une zone qui est assez grande, hein, chez Vincent Bretagnol, c'est vraiment quelques milliers d'hectares, plusieurs milliers d'hectares. Le fait qu'il y ait cette espèce de convergence de résultats, ça nous a incité à produire comme ça un document qui en fasse la synthèse et qu'en fasse le constat. Mmh. Ces effondrements de perdrix, de population de perdrix, là aussi de 90%. La tourterelle des bois, c'est des ordres de grandeur qui sont similaires, comme il le dit, il y a une espèce de désert ornithologique sur les grandes plaines céréalières. C'est la confirmation de ce que nous on observe à très très grande échelle. Est-ce qu'il y a des espèces d'oiseaux qui se portent mieux, voire qui augmentent pendant que d'autres s'effondrent ? Oui, tout à fait. Oui. Par exemple, le pigeon ramier, la palombe, qui est de moins en moins migratrice, c'est une espèce qui effectivement a tendance a eu des passages de croissance exponentielle. Ouais. Et pour les espèces qui s'effondrent, est-ce que le constat est le même partout en Europe ? En Europe de l'Ouest, oui. C'est un constat qui est partagé en Europe de l'Ouest. Il y a une structure qui s'appelle European Bird Census Committee qui se charge de collecter les informations de la part des pays d'Europe qui ont ce genre de suivi. Mmh. Et en fait, sur la partie ouest de l'Europe, on a exactement le même constat, sachant que c'est un peu le même modèle agricole. Ouais. Alors c'est ça, on en arrive aux causes. Mmh. Quelles sont les causes de ce déclin observé ? Alors il y a de la simplification des habitats. Là, Vincent, il citait le bruant proyé, effectivement. Donc, quand une zone devient rase, steppique, qu'il n'y a plus d'arbres isolés, qu'il y a à peine de haies, de buissons, de mares, que les chemins sont pas bordés, qu'il n'y a pas de fossés, on réduit finalement d'autant les habitats disponibles. Ça c'est pour la partie gîte, hein. Mais il y a aussi la partie couvert au sens pas couvert végétal mais couvert à table. Hein. Mmh. Et là en fait les oiseaux ils sont affamés parce qu'on utilise une chimie, une agrochimie qui est extrêmement puissante. On a des molécules maintenant qui sont... Alors, on va interdire les néonicotinoïdes, mais il y a une autre génération de molécules qui est émergente et qui frappe les mêmes neurotransmetteurs et qui est aussi ravageuse. Alors, on nous dit, oui, mais c'est moins pire parce qu'ils sont moins rémanents dans l'environnement. Mais néanmoins, au moment où il y a les traitements, c'est le moment où les oiseaux élèvent leurs jeunes. Mmh. Et donc, il y a ce truc où, effectivement... Les espèces sont affamées. On trouve pas les oiseaux morts empoisonnés au sol, hein, avec les néonicotinoïdes. À vrai dire, l'ONCFS, l'Office national de la chasse, avait fait une étude et effectivement, ils ont eu des cas d'empoisonnement avec des constats de perdrix trouvées mortes à des endroits où il y avait du grain enrobé qui était tombé à côté, donc elles avaient consommé massivement. Mais sinon, on trouve pas les oiseaux morts, on trouve pas les alouettes mortes. Hein. Mmh. Simplement, d'année en année, elles arrivent pas à élever leurs jeunes. Donc, voilà, on a manque de nourriture, les espaces pour établir la nidification manquent aussi. Alain vous demande, tous les spécialistes s'accordent à dire que les espèces disparaissent de manière alarmante, mais le gouvernement donne le feu vert aux chasseurs pour accélérer ce processus en favorisant la chasse de nombreuses espèces protégées, vous dit Alain sur Internet. Est-ce que la chasse a une part de responsabilité aussi dans ces disparitions? En tout cas, ça n'aide peut-être pas les stocks à se ouais, à se maintenir. Je dirais peut-être une part double, enfin un double effet. Alors d'abord, c'est pas des espèces protégées, hein. Si elles sont autorisées à la chasse, c'est que c'est des espèces qui sont gibiers, c'est-à-dire classées comme gibier. La France a une longue liste d'espèces gibiers, hein. Plusieurs dizaines d'espèces, plus de 60. Et en l'occurrence, là, je pense qu'il fait référence à la tourterelle des bois, qui est une espèce qui est classée vulnérable au niveau européen par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Et néanmoins, vient de tomber un résultat où on autorise comme ça le tir de 30 000 tourterelles des bois. C'est une tourterelle qui est chassée quand elle est chez nous en Europe. C'est une tourterelle qui est migratrice, qui va dans l'ouest de l'Afrique. Et elle est aussi chassée avec une chasse de loisirs là-bas. C'est-à-dire il y a des chasseurs européens qui descendent faire du tir. Donc là, en fait, donc ça, c'est le premier effet. Effectivement, c'est une tourterelle qui s'est effondré. Le chant de la tourterelle, qui est un espèce de ronronnement comme ça, c'était un chant qui était omniprésent quand j'étais adolescent dans les campagnes, et c'est un chant qui est devenu rare. Je suis content de l'entendre. Là, cet été, enfin au début de l'été, j'étais en Touraine chez des amis, j'ai entendu une tourterelle des bois, on était avec mon fils qui est ornitho aussi, on était contents. Mmh. On a vu une tourterelle des bois, un couple de tourterelles des bois. Mmh. Donc en fait, il y a cette double responsabilité, c'est-à-dire d'abord on tabasse un peu les populations qui sont pas bien portantes, et d'autre part, c'est le signal qui est envoyé. Quel est ce signal où il y a des scientifiques, des spécialistes qui se mobilisent pour dire la situation ne va pas, et puis il y a comme ça une autorisation qui est complètement contradictoire avec le signal. Nous allons poursuivre cette discussion, Grégoire Loïs, dans la suite de cette émission, et puis vous répondrez aux autres questions des auditeurs qui arrivent toujours sur franceinter.fr et la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Mais tout de suite, un petit détour par l'Himalaya avec Sophie Guérardi. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors cet été, le Temps d'un Bivouac est partenaire du 1 Hebdo. Vous avez coordonné les numéros de ce 1 Hebdo. Alors après Passion Amazonie et Passion Sahara, voici venu Passion Himalaya. C'est le titre du dernier numéro du 1 Hebdo, disponible dans les kiosques dès aujourd'hui. Voilà, l'Himalaya dans nos rêves, hein, ça évoque quelque chose d'immaculé, de pur, d'élevé dans tous les sens du terme. Et je crois que personne n'a aussi bien évoqué ça que Hergé, hein, dans Tintin au Tibet, cet album blanc sans personnage méchant, pas un coup de feu tiré, qui est une ode à l'amitié. Et donc, les grands symboles de l'Himalaya, on les connaît tous. Hein, c'est surtout voilà le Tibet, le centre spirituel du bouddhisme. Et puis, bien sûr, l'Everest, le plus haut sommet de la Terre. 8848 mètres, je vous le rappelle. Précisément. Et comme toujours dans le 1 Hebdo, vous abordez le thème par divers angles. Oui, alors là, on a choisi par exemple de parler de l'histoire. Mmh. C'est pas si connu que ça. Et c'est Peter Frankopan, professeur à Oxford, qui vient nous en parler. Qu'est-ce que nous dit ce spécialiste des routes de la soie, hein? C'est oui. Ça sa spécialité. Eh bien, c'est que ces hautes terres de l'Asie ont été l'épicentre d'incroyables empires. Les empires, c'est pas que nous, hein. Il y en a aussi là-bas au centre de l'Asie. Et les Tibétains, que l'on penserait isolés depuis toujours sur leur plateau à 4000 mètres d'altitude, eh bien, au 9e siècle, exactement entre 850 et 950 de notre ère, eh ben, ils ont conquis le tiers de la Chine. Ah oui, quand même. Eh oui, voilà. Et puis, c'est aussi intéressant d'apprendre que 100 ans avant ces événements, eh bien, l'expansion arabe vers l'Est et l'expansion chinoise vers l'Ouest se sont terminées dans une bataille qui s'appelle la bataille de Talas, aux confins du Kazakhstan. Et c'est là que se sont arrêtées, au fond, ces deux grandes aires culturelles. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aussi dans le numéro du 1 ? Eh bien, que dans les années 20, le même rêve tibétain a poussé une Française convertie au bouddhisme, Alexandra David-Néel, a bravé toutes les interdictions pour entrer à Lhasa déguisée en mendiante tibétaine. Enfin, on raconte dans le 1 cette histoire extraordinaire. Ouais, une aventure extraordinaire. Et vous donnez la parole à un glaciologue que l'on avait reçu l'an dernier dans le temps d'un bivouac. Oui, Patrick Vagnon, chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Eh ben, il nous apprend que tous les glaciers de la chaîne himalayenne ne sont pas en train de fondre. Alors, c'est pas qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique là-bas au-dessus de l'Himalaya, il y a du réchauffement climatique, mais il a, à certains endroits de la chaîne, un effet particulier, c'est qu'il protège les glaciers. Dans le Karakoram, au Pakistan, et puis dans le Kunlun, au Tibet. Comment et pourquoi ? Oui, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a désormais beaucoup plus de nuages sur ces montagnes. Mmh. Donc, plus de neige et moins de soleil. Donc, la neige, ça s'accumule et ça fait de la glace. Et puis, moins de soleil, ça veut dire que ça fond moins. Donc, à ces endroits-là, les glaciers, ils gagnent de la masse au lieu d'en perdre. Mais, évidemment, les nouvelles sont moins bonnes sur le sud de l'Himalaya, parce que là, la perte de masse des glaciers est comparable à celle des Alpes. Donc, très rapide. Et vous donnez aussi la parole à des écrivains, comme toujours, j'imagine. Ah oui, voilà. Alors, pour l'Himalaya, nous avons fait appel à l'un des grands écrivains de montagne actuels, Charlie Buffet, qui parle de l'alpinisme comme nul autre. Et il va nous raconter la conquête de l'Himalaya, mais sous un angle politique. Déjà, le mot conquête ne lui plaît pas à Charlie, parce que il se dit que les grandes nations européennes ont finalement livré là, dans les hauteurs de l'Himalaya, leur dernière grande bataille coloniale. Finalement, il y a une course au sommet pendant une grande partie du XXe siècle. Les Britanniques ont quand même offert la conquête de l'Everest à la reine Elisabeth pour le jour de son sacre, le 29 mai 1953. Les Allemands, eux, se sont concentrés plutôt sur le Nanga Parbat et pendant une bonne partie des années 30, au nom d'Hitler. Et ce sont d'anciens SS qui ont conquis le Nanga Parbat. Et puis, les Français, oui, eux, les Français, bien sûr, alors, donc, ils ont misé sur l'Annapurna. Oui. Ça a bercé des générations de jeunes Français, les récits de Maurice Herzog qui avait eu les mains gelées, et puis de Louis Lachenal, et ça, c'était en 1950. Tout ça est à découvrir dans le 1 Hebdo Passion Himalaya. C'est en kiosque, dès aujourd'hui. Merci, Sophie Guérardi, d'être passée par nos bivouacs estivaux. Merci. Suite de notre discussion avec l'ornithologue Grégoire Loïs dans un instant, qui va répondre aux nombreuses questions que vous lui avez adressées sur franceinter.fr. Viens, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps j'ai douté, longtemps je l'ai redouté, le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. Combien j'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les fourrés. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. la nuit, je dois être rentré là où t'es longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé ce que la vie nous a gâté. C'était Bastien Lallemand, avant midi, sur France Inter, dans le temps d'un bivouac. La femelle est présente sur le bâtiment nord, troisième cheminée, en partant de la droite. Ah, je la vois. Voilà. Elle est en train d'attendre le retour du mâle qui est parti chasser, tout en surveillant le site de nidification. Vous pouvez voir dans le bâtiment qui est en face de nous, sous l'horloge, vous avez deux trous de boulin. Donc les petits sont dans la cavité de droite. Donc là, ce que j'ai vu ce matin, ils étaient encore en duvet gris, donc ils ont probablement 3 semaines. Ils resteront là combien de temps ? Alors, ils vont rester 5 semaines, c'est-à-dire que les jeunes vont prendre leur envol au bout de la 5e semaine. Et ensuite, après l'envol, ils vont rester dans les environs immédiates, parce que les parents vont devoir leur apprendre 2 choses. Premièrement, à parfaire leur vol, et ensuite, surtout, à apprendre à chasser. Tout ce que l'on sait sur ces oiseaux, ce sont des bénévoles comme vous qui ont permis de l'apprendre, ou il y a eu du programme scientifique à la base ? Les deux. Il y avait pas vraiment d'accord entre ornithologues parisiens sur le nombre de cresserelles à Paris. Aujourd'hui, le consensus entre nous est autour de 50 couples cresserelles parisiens. Toute l'enquête Faucon a été faite par des bénévoles. Ça permet de faire remonter énormément d'informations pour les scientifiques qui font l'objet ensuite d'un traitement scientifique. Ça reste de la science, mais on fait participer le grand public. Le grand public qui participe à ces observations de faucons cresserelles en plein Paris. Vous êtes Grégoire Loïs, directeur adjoint de Viginature. En quoi consistent ces missions de science participative que vous confiez au grand public ? Alors, il s'agit effectivement d'abord du grand public et en fait, le principe est hyper simple. Pour les gens qui sont intéressés, qui ont un peu de temps, qui sont curieux, qui ont envie de s'investir, on propose des protocoles qui sont simples et qui consistent à observer des phénomènes naturels de manière répétée et d'année en année, de manière à ce qu'on puisse évaluer et produire par exemple, les variations d'abondance dont on a parlé précédemment. Alors, on va mettre un lien sur la page du temps d'un bivouac pour tous ceux qui aimeraient rejoindre ce programme de sciences participatives. Voilà, c'est viginature.fr. Ça va très bien. Et puis il y a par exemple les agences régionales de biodiversité, en l'occurrence celle de l'Île-de-France, qui soutient aussi les programmes de sciences participatives. Alors beaucoup de questions sont arrivées pour vous, Grégoire Loïs, sur la page de l'émission et sur la page Facebook. Johanna vous dit « J'aimerais savoir si ce que j'ai vu est exceptionnel. Un groupe de cigognes s'est posé sur les toits autour de ma maison au crépuscule. J'avais l'impression que l'une d'entre elles était affaiblie et les autres tournaient autour pour l'aider », vous dit Johanna. Alors ça, le phénomène d'aide, je pourrais pas dire, c'est effectivement assez chouette. Mais sinon, en fait, les cigognes, je ne sais pas où habite Johanna, mais les cigognes en France, la population de cigognes s'est extrêmement développée depuis une trentaine d'années. On a frisé l'extinction au niveau national, hein, avec quelques couples. Il y a eu des grosses opérations de relâcher, de réintroduction. Et c'est devenu un oiseau qui a des migrations qui sont plus courtes et avec des populations qui se portent bien. Autrement dit, parfois, ça va mieux. C'est réversible, ces disparitions d'oiseaux dont on parle depuis le début de cette émission. Tout à fait. Et c'est souvent les mêmes qui vont mieux, c'est-à-dire des oiseaux qui sont un peu au sommet de la chaîne alimentaire et qui ne sont plus persécutés, donc c'est les rapaces et les grands échassiers, les hérons et les cigognes. Marc vous dit, que pensez-vous des tondeuses qui ne laissent que quelques centimètres d'herbe empêchant la présence d'insectes ? J'ai décidé, nous dit Marc, de laisser un terrain non tondu et j'ai constaté la présence de multiples insectes et le retour des hirondelles. Je suis entièrement d'accord avec Marc, c'est ce que je fais dans ma maison de campagne. J'ai banni la tondeuse qui broie tout pour une faucheuse que je ne passe qu'une fois par an, mais je dois dire que c'est pas un jardin exemplaire aux yeux de mes voisins. Et les chats domestiques, vous demande Alain, sont-ils responsables de la disparition de certaines espèces. Alors les chats domestiques, il y a eu plusieurs études, mais notamment une étude majeure qui est parue aux États-Unis, c'est effectivement des dizaines de millions de petits vertébrés qui sont victimes des chats domestiques. Donc on pourrait se dire, ah ben c'est la catastrophe. Néanmoins, si on fait le constat et si on met en perspective les espèces qui déclinent et les espèces qui sont prédatées par les chats, on constate que ce ne sont pas les mêmes. En fait, il semblerait que la prédation des chats s'exerce principalement sur des individus qui, de toute manière, allaient mourir. On appelle ça une mortalité compensatoire et non pas additive. Donc n'accablons pas les chats, c'est ce que vous nous dites. Voilà, on peut faire attention à son chat, on peut mettre un collier avec clochette, mais n'accablons pas les chats. Merci Grégoire Loïs, je rappelle le titre de votre livre, « Ce que les oiseaux ont à nous dire aux éditions Fayard. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans un instant, suite et fin du récit de l'expédition de la Pérouse. Après avoir retracé les 3 ans de voyage mercredi dernier, l'émission est toujours disponible en podcast. Nous allons découvrir aujourd'hui ce qui est arrivé aux survivants du naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe au large d'une petite île perdue dans l'océan Pacifique. Plus de 200 ans après la catastrophe, les archéologues ont reconstitué la chronologie de la fin tragique de cette expédition. C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités, l'historien voyageur Bernard Gimenez et l'archéologue Jean-Christophe Galipeau. À tout de suite.